Daniel King. They was tired a long time ago. Baby, turn your love light. Maybe time you went on me. Well, baby, turn out your love light. Gave me fever. Gave me fever. On va quand même aller travailler un petit peu. Oh, je viens de temps en temps, pas souvent, mais j'ai pas le temps avec mon resto. J'ai un restaurant où je donne un spectacle le soir après le repas, où je fais de la country et puis mes chansons, bien sûr, en français. Puis de temps en temps, ben, je viens m'éclater un peu sur Ninja, ça change un peu, ça défoule. En ce moment, oui, ça va, mais bon, en ce moment, c'est calme. Parce qu'alors, putain, c'est un peu la galère pour tout le monde. Je crois qu'on est tous à l'agonie en ce moment. Là. Les gens ont plus de ronds, ça sent mauvais, quoi. Avec les guignols qui sont au gouvernement qui rajoutent une couche en plus. Malheureusement, non, j'ai une toute petite scène. Et j'ai pas la place de mettre un groupe. Or, bon, de temps en temps, il m'arrive de faire le bœuf avec un ou deux musiciens, mais guère plus. La scène, elle fait. C'est un triangle qui fait 3 mètres de côté. Par contre, de temps en temps, il se passe des bons bœufs. Il y a des musiciens qui passent. Dernièrement, il y a eu le groupe Las Vargas qui est venu manger. Et puis, on a fini à 3 plombes du matin. Et là, j'ai par contre, j'ai un Anglais qui vient souvent en France, qui vient jouer avec moi. Le mec, il s'éclate et je m'éclate. Et c'est un des anciens de Incredible String Band. Il est banquier, le mec, maintenant, mais il continue à jouer. Fabuleux, on passe des soirées tous les deux comme des malades. Ah ouais, vraiment génial. Bah c'est le genre de gratteux et de chanteur un peu comme les Dubliners, quoi. Il fait beaucoup de folk anglais, beaucoup de folk irlandais. Bon, allez, j'y vais. À plus. Salut.